On va parler avec notre ami Simon Boisvert, le spécialiste du repêchage. Simon qui a fait de la grosse pépine aux gens du 91-9 la semaine passée. Et j'ai dit, je vais l'appeler pour qu'il en parle avec moi aussi. C'est évidemment, on va parler du cas de Cole Caulfield. Puis je vais parler de certains espoirs également du Canadien. Salut Simon! Salut Danny. Simon, tu as fait de la grosse pépine au monde du 91-9 la semaine passée. Je suis parti à rire quand tu as dit, quand tu as dit Mathias Nylander, tu l'as dit de façon convaincant d'en parler de ça. Je ne vois même pas dans l'initial. J'ai l'impression que tu as fait de la grosse pépine. Puis, dans le cas de Cole Caulfield, ben, les attentes sont extrêmement élevées, sauf qu'il faut calmer les nerfs du monde, là. Je ne dis pas qu'il ne fera pas une belle carrière. C'est sûr que c'est un marqueur, mais tu m'as dit cette semaine que ça va être un spécialiste, puis je suis pas mal d'accord avec toi à cause de sa grandeur. Oui, puis l'ensemble de son jeu, tu sais, il ne faut pas toujours juste se fier à ce qui s'est passé cette année. N'oublie pas, c'était sa deuxième saison NCAA, il y a 19 ans. Puis j'ai toujours dit, moi, que la saison de 19 ans d'un joueur, pas que j'y accordais pas d'importance, mais disons que j'y accorde moins d'importance que la saison de 20 ans quand le joueur habituellement devient professionnel. La majorité des joueurs juniors qui s'en vont dans la Ligue américaine, c'est là que tu vois un peu comment l'adaptation se fait. Alors, si Caulfield n'avait pas dominé cette année, ça aurait été inquiétant. Ouais. OK. Comment tu le vois? Comme un sniper, comme un joueur? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a un marqueur. Puis c'est vrai aussi qu'il y a Alex DeBrincat. Puis c'est vrai qu'il y a des petits joueurs également. Johnny Gaudreau qui s'est démarqué. Johnny Gaudreau, c'est un centre, par contre, là. Mais moi, je me rappelle quand il a été repêché, on le comparait beaucoup à DeBrincat. Est-ce que c'est. DeBrincat, quand on regarde cette année, il n'est pas mauvais du tout, là. Est-ce que tu penses que ça va être un joueur de rôle? Ça va être un joueur qui. Il va falloir toujours que c'est alimenté, mais que ce ne sera pas un joueur qui va être bon sans la rondelle. Bien, je pense que l'idée là-dedans, c'est qu'un gars comme Caulfield, tu dois gérer son temps de glace. T'sais, ça ne sera pas, disons, comme les typiques premiers trios des équipes que tu peux mettre contre les premiers trios des autres équipes, 22 minutes par match. Moi, je pense que Caulfield, il va falloir gérer son temps de glace. Ça peut être un gars surtout de jeu de puissance et essayer peut-être aussi de lui donner des match-ups favorable, surtout à domicile, en commençant en zone adverse et en jouant contre des deuxièmes, mais préférablement des troisièmes trios adverses. Alors, à ce moment-là, tu maximises son potentiel et s'il peut aller chercher un 25 buts dans ces circonstances-là, ben, ça serait excellent. Parce qu'oublie pas quand même, c'est un gars qui a été choisi 15e. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est pas un gars qui a été choisi top 3 ou top 5. Si ça Alors, si ça. le gars te donne 25 buts, qui fait du power play, quand tu joues à 6 contre 5 en retirant le gardien de but, tu le mets, il te fait une couple de buts dans l'année égalisateur. Moi, je trouve que c'est un succès, mais je pense que les attentes sont trop grandes. Ouais, mais on est à Montréal. On est à Montréal. Est-ce Ben, que tu. il y a une soif, hein, de remplacer Guy Lafleur qui a jamais vraiment été remplacé dans le Ouais. cœur des gens, là. Ouais, mais c'est toujours plus gros à Montréal, hein. Est-ce que tu penses que tu le vois? Est-ce que tu le vois qu'un gars comme Kéké? Peut-être, mais à ce moment-là, ça ne sera pas sur un premier trio. Ouais, c'est ça. OK. Parce que tu le vois comment Kéké aussi on gère ses minutes. Hein? Ouais. Il ne joue pas 22 minutes. Et Non. puis, bon, il est quand même à sa troisième saison. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il est encore jeune, il est encore jeune. Oui, il est encore jeune, mais il en est quand même à sa troisième Il est saison. quand Oui, il n'a même pas. meilleur depuis que Dominique Ducharme est là. Oui, il a progressé. Ouais. Mais là, lui, Kéké, c'est un autre paire de manches parce que, oublie pas, c'est un gars qui a été choisi troisième. Ouais. Et quand tu penses à un joueur choisi troisième, tu penses parfois à des gars comme Léon Draisaitl. Pierre-Luc Dubois. Tu penses à Pierre-Luc Dubois, tu penses à Tim Stutzla. Et là, on se rend compte peut-être que Kéké ne deviendra pas de ce calibre-là. Et alors, encore là, il va falloir gérer les attentes. Alors, Kéké Caulfield, dans le milieu de l'alignement, 15 minutes par match, peut-être que ça pourrait avoir du succès. Mais le succès, c'est relatif. Tu sais, si Kéké fait 50 points puis Caulfield fait 25 buts, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça que les gens entendent? Ouais. Mario Langlois dit toujours, il compare à Lasseleur. Et je pense qu'il est meilleur que Lasseleur quand il va Oui, faire. offensivement, oui. Oui, Oui, je pense que hein? oui. Mais je comprends la Gros comparaison. joueur de centre. Oui, je la comprends, la comparaison, dans le sens que on le voit plus comme un joueur de milieu d'alignement Ouais. qu'un joueur de premier trio, comme on voit dans la division canadienne avec les McDavid, Matthews, Scheifele et compagnie. OK. Je veux que tu me parles de Sean Farrell, qui joue bien, joue même très bien dans la USHL. Est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que ça peut être un Johnny Gaudreau? Je m'explique, choix tardif. Johnny Gaudreau est un choix tardif. Petit joueur comme Johnny Gaudreau, est-ce qu'il peut être un Johnny Gaudreau? Pour te faire un petit peu un préambule sur Sean Farrell, je le connais très bien Ouais. parce que moi j'émets des recommandations à Val-d'Or, les Foreurs, pour les joueurs américains. Parce qu'à chaque année, la Ligue junior majeure du Québec, les équipes doivent repêcher deux joueurs. Et j'avais recommandé Sean Farrell il y a 3 ans et ils l'ont pris. Malheureusement, il n'est jamais venu jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais c'est pour te dire comment je le connais bien depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours trouvé, moi, que c'était un magicien avec la rondelle. Mais encore là, oui, il y a le physique de Johnny Gaudreau. Est-ce qu'il y a la rapidité et l'agilité de Johnny Gaudreau? Non. Bon, là, il domine la USHL. Mais encore là, il y a 19 ans. C'est normal qu'il domine la USHL. Là, il va s'en aller à l'Université Harvard l'an prochain. L'Université Harvard, ce n'est pas reconnu comme un endroit qui Non, développe non. très bien les joueurs Louis offensifs. Leblanc, Louis Leblanc. Ouais. Personnellement, si j'étais le Canadien, je pousserais très fort pour le signer pour qu'il aille jouer à Laval l'an prochain. OK. OK? Il va avoir 20 ans au mois de novembre. Donc, il est de l'âge des joueurs juniors que le Canadien a repêchés dans les 2 dernières années. Alors, pourquoi s'en aller à Harvard, perdre son temps dans un calendrier de 30 matchs, alors qu'il pourrait peut-être avoir un rôle de troisième trio en commençant à Laval, tranquillement, avec des Ou lui vétérans? faire commencer peut-être juste une session, parce que semble-t-il qu'aux États-Unis, si tu fais une session, puis après ça, tu peux la faire tout le temps. Oui, mais à ce moment-là, il va finir son année. Tu sais, il ne sera pas de report au mois de décembre. Alors, écoute, s'il va à Harvard, ben, il va y aller à Harvard. Ben, honnêtement, là, maximum 1 an. Il faut qu'à 21 ans, ce gars-là soit rendu si on veut avoir espoir. Tu sais, sinon, là, il peut jouer 4 ans. Il va sortir de là à 24 ans. Il peut gagner le trophée Hobey Baker 2 fois. Mais le point, c'est quand il sort de là, il a 24 ans. Alors, je sais qu'il y a des exemples de réussite dans ça. Joey Junot, si tu te rappelles, il y a très longtemps, avait joué plusieurs années à l'université, il est arrivé à Boston, il a eu 100 points. Mais règle générale, là, on est dans le hockey d'aujourd'hui. Je te dirais que Sean Farrell, moi, je le laisserai pas moisir là longtemps. Est-ce que c'est ça que tu penses qu'il a fait, qu'il y a eu le développement de Louis Leblanc? Parce qu'il était dans le même univers. Pourquoi je te parle de Louis Leblanc? Parce que Louis Leblanc était à Harvard aussi. Ou encore, les attentes étaient trop élevées. Puis si, oh ben Louis Leblanc, si on n'est pas à Montréal, il n'est pas repêché par les Canadiens. OK. Louis Leblanc, quand il était midget 3 à 15 ans, il était perçu comme un choix top 5, top 10 2 ans plus tard. OK. Donc, il était déjà le meilleur joueur midget au Québec à 15 ans. OK. Tu sais, il était sous le radar. Il n'est pas sorti 18e pour rien là, 2 ans plus tard. Ce qui a nui à Louis Leblanc, d'après moi, c'est qu'il a répété son midget 3 à 16 ans. Il est allé jouer dans les USHL à 17 ans. Et t'as rendu compte qu'il aurait pu avoir 2 saisons de fait dans la Ligue junior majeure du Québec à cet âge-là, dans un rôle de premier plan, parce qu'il aurait été repêché premier et il aurait joué autant que Lafrenière a joué à Rimouski. Alors, est-ce qu'il serait devenu un excellent joueur? Je ne sais pas. Il y avait quand même des limites dans son jeu, mais ça aurait certainement pu être un gars de bottom six, un peu comme on voit. Je ne veux pas faire de comparaison, là, mais c'est des exemples que je donne là, avec des Québécois. On voit Maxime Comtois à Anaheim, comment ça va bien. Bon, alors Maxime Comtois, il a des failles dans son jeu, mais il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec à 16 ans, il a suivi les étapes. Puis je considère que Louis Leblanc, peut-être, aurait pu devenir un Maxime Comtois. OK. Peut-être. Moi, je veux te parler d'un repêcheur. Tu es un spécialiste de repêchage. Cette année, c'est une ligue, c'est vraiment bizarre comme repêchage. Tu fais quoi? Autant pour la Ligue nationale, parce que la semaine passée, je faisais une entrevue avec Jocelyn Thibault. Je ne sais pas du tout ce qui s'en va concernant le Phoenix de Sherbrooke, là, pour le repêchage Midget 3. Il n'y a même pas de ligue. Il y a même pas, ça n'a pas joué cette année. Et dans l'Ouest, ça a commencé il y a 2 semaines. Le Junior du Québec, ça a été la seule qui a quand même joué, quand même potable. L'Ontario n'a même pas recommencé. Tu fais quoi? C'est quoi le repêchage? En Suède, ça joue. Aux États-Unis, ça a joué. En Finlande, je pense que ça joue aussi. En Russie, je n'ai pas eu de nouvelles, mais je pense que ça joue aussi. Tu fais quoi? Et c'est quoi le retard? Par exemple, pour les Junior du Québec, est-ce qu'ils devraient faire un repêchage cette année, compte tenu que la Ligue Midget 3 n'a pas joué? Au moins, on se parle. Je pense que oui. Moi, j'ai entendu dire peut-être qu'ils espéraient OK. au mois de mai avoir peut-être au moins des scrimmages, des camps d'évaluation, une mini-saison, je ne sais pas. Oui, tu dois le faire parce que tu peux pas. Tu sais, c'est dommage pour les jeunes de 15 ans en ce moment là, qui sont admissibles au repêchage. Tu peux pas leur faire perdre une année de hockey dans leur vie. Parce que là, imagine-toi, tu ne fais pas de repêchage. Là. Là, tu combines les 15 et 16 ans l'an prochain. Les 16 ans vont être désavantagés. Okay. Parce qu'on a tendance à repêcher des 15 ans. Écoute, qu'en fasse un, advienne que pourra, tu invites les joueurs au camp d'entraînement. Les joueurs vont probablement tous retourner jouer Midget 3 l'an prochain, ou à peu près. Et puis, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est le Est-ce gros... que le joueur du Midget 3, le fait qu'il a perdu un an, comparativement à celui qui est aux États-Unis, comparativement à celui qui est en Finlande, plus tard, ça va avoir un impact sur sa carrière? J'espère que non. Mais je pense que oui. Hein? Ben, c'est une année cruciale. Ouais, hein? Le développement de joueurs. Je sais qu'ils ont pratiqué, ils ont fait. Mais c'est jamais comme jouer une saison de 42 matchs, plus des séries éliminatoires, plus le tournoi de la Coupe TELUS, plus ci, plus ça. Écoute, c'est dommage. C'est pour ces jeunes-là, là, les joueurs qui sont nés en 2000, 2005, là, c'est. Oui. Les joueurs, les joueurs de l'Ontario, eux autres, ils vont perdre des rangs certains. Oui. Bon, je pense que du côté junior, ouais. Là, on a parlé du côté midget. Ouais. Mais du côté junior, je crois qu'au Québec, c'est pas si mal. T'sais, ils vont réussir avec les séries peut-être à coller 40-50 matchs. Là. Ouais. Mais ce qui est terrible en ce moment, c'est pour les joueurs de l'Ontario et de l'Ouest. Eux, il y en a qui n'ont pas joué depuis un an. Oui. Hey, l'Ontario, là, ça va recommencer, là, mais là, ils vont faire une vingtaine de matchs. Tu sais, c'est mieux que rien. Mais il y a des gars qui n'ont pas joué depuis un an. Alors, est-ce que ça va les désavantager au repêchage? Je ne sais pas, parce que je pense que ça va désavantager ceux qui auraient grandement progressé cette année. Mais ça ne désavantagera pas ceux qui étaient déjà perçus comme des futurs top choix à 16 ans. OK. Okay. Alors, tu sais, je prends un exemple. Dylan Genter, qui joue à Edmonton, il vient de recommencer sa saison dans l'Ouest. Lui, il est aperçu comme un top 5. Il va rester probablement un top 5. Okay. Mais il y a des joueurs là-dedans qui, tu sais, qui à 17 ans éclos. Et puis là, est-ce que tu ben, là, ils n'auront pas la chance d'éclore. Là. Donc, est-ce que tu devrais faire deux repêchages? Qu'est-ce que tu veux dire par deux repêchages? Un repêcheur des deux premières rondes, puis un peu comme au baseball. Ben, le baseball, l'année passée, ils ont fait moins de ouais. Ils ont fait cinq rondes l'année passée. Mais est-ce que tu devrais faire un repêchage avec seulement les deux premières rondes? Non. Et pas, non? Non, parce que plus tu choisis de joueurs, plus tu leur donnes une chance au moins. Oui, mais je veux dire, l'autre, tu l'as fait en décembre avec les rondes de 300. Non? OK. Je te non, parce question. Que là, tu trouves à tout mélanger. Tu mélanges deux groupes, puis là, ça risque de biaiser parce qu'il y a des gars qui, à ce moment-là, vont être à leur troisième saison junior l'an prochain, au mois de septembre. Okay. Puis là, ben là, ils risquent d'être meilleurs qu'ils l'auraient été cette année. Là, écoute, ça va être un total free-for-all. Mais c'est déjà un total free-for-all. J'ai l'impression que c'est déjà un total. Non, moi, écoute, choisissez les 210 joueurs et puis advienne que pourra. Okay. Et puis, s'il y a des joueurs qui commencent à se faire valoir l'an prochain, ben peut-être qu'ils pourront être repêchés comme des gars de 18, et puis où il y en a qui peuvent signer comme agent libre à un moment donné. Tu sais, tout ça va se replacer. Tout ça va se replacer. Et puis, je pense que les pièces du casse-tête vont se placer correctement, mais ça va prendre une couple d'années. Ouais, c'est clair. Hey, je te l'ai donné mon idée en dehors des ondes, mais je veux te donner en ondes. La Coupe Memorial, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? On sait qu'on ne sait pas du tout s'il va y en avoir une Coupe Memorial cette année. Moi, je te lance l'idée de même. Je l'ai déjà parlé avec Marc Fortier, j'ai déjà parlé avec Jocelyn Thibault. Adopter la formule du March Madness aux États-Unis. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le tournoi du March Madness, c'est un tournoi de basketball universitaire aux États-Unis. On va l'être dedans. Là. Ça commence cette semaine même de ça. 68 équipes de basketball d'NCAA qui sont réparties dans le tournoi. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu t'en vas. Est-ce que la Ligue canadienne, c'est quoi? C'est 56 équipes à peu près? 60 équipes, je crois. 60 équipes, donc ouais. C'est encore bien mieux. Donc, tu fais trois bulles de 3-4 bulles et tu fais un tournoi à la March Madness. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que ça serait formidable. Je sais que l'idée avait déjà été lancée il y a quelques années, mais je pense que cette année, ça serait l'année idéale pour en faire un test, si on veut. Ouais. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre cette année-là? Le sport professionnel, depuis un an, là, c'est all over the map. Ouais. Bon. Alors, pourquoi pas essayer ça? Peut-être aussi que ça revivrait l'intérêt pour le hockey junior. Tu sais, le hockey junior à la télévision. Tu pourrais voir les Saguenay-Chicoutimi contre les Raiders du Oui, Prince-Albert dans le premier oui. match. Tu n'as jamais vu Raiders du Prince-Albert, ça s'est jamais joué. Tu Oui. pourrais voir les Remparts de Québec contre les Giants de Vancouver dans un match. M'a dit, hein, ça pourrait être formidable, je pense. C'est parce que ce genre de tournoi-là, quand tu y penses, là, Ouais. c'est la télé-réalité ultime. Il n'y a pas une télé-réalité qui peut battre le tournoi March Madness. Ouais. T'sais, boum, il y a un club éliminé à 8 heures, il y en a un éliminé à 8 heures et quart, il y en a un éliminé à 8 heures et demie, puis là, on recommence, puis là, à minuit moins quart, il y a une autre équipe éliminée, minuit moins cinq, t'sais, la façon qu'ils présentent les matchs, Ouais. tout est décalé de 10-15 minutes. Alors tu es tout le temps en train de regarder une fin de match excitante. Je pense que, écoute, ça serait la solution ultime là, pour clore une saison plutôt triste, là. Parce que on avait déjà parlé de réformer la Coupe Memorial. Donc, moi, je pense que ce serait une bonne façon de relancer le hockey junior. Parce que le hockey junior, on se le dit cette année, je ne sais pas en parler avec Justin Thibault, je ne suis pas sûr du tout, là. Tu sais, des matchs à 2 h l'après-midi, c'est pas Je à sais. TV, tu sais, Je sais. Mais une c'est. chose qui pourrait, Daniel, tu sais, il y a 60 équipes. Ouais. Chose qui pourrait aider, là, si tu veux vraiment faire un tournoi à 64 équipes, Ouais. ramener 4 équipes de la USHL. Ah, ça, oui, ça pourrait être bon. D'ailleurs, j'ai posé tout, posé la question. Pourquoi, tu sais, c'est comme le défi des espoirs qu'on a toujours en janvier, on l'a pas eu cette année, là. Pourquoi pas faire un match entre les meilleurs espoirs de la USHL contre les meilleurs espoirs des Canadiens de hockey? Hein? Tu sais, il y aurait peut-être des idées, en tout cas, peut-être à lancer là-dedans. Ben, c'est parce qu'en ce moment, on dirait que le hockey junior à la télévision, ça a atteint un plateau, ça a atteint un point mort. Ouais. Tu sais, l'audience stagne. Alors, il faudrait rehausser ça là, et que les gens ne regardent pas juste le tournoi mondial junior au mois de décembre. Ouais, T'sais, ça c'est. serait le fun que pendant l'année, il y ait des événements rassembleurs qui font en sorte que le hockey junior serait plus populaire de la même façon que le college football puis le college basketball le sont aux Ben, États-Unis. au Québec, c'est juste le Canadien, hein? Ça, Bon, ben sinon. ça c'est un autre sujet. Ouais. Snake, un gros, gros merci au plaisir de se parler. OK, merci. Est-ce que c'est le repêcheur Simon Snake? Bon.